La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. On rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet. On va parler avec le directeur général du club de golf Domaine Lac Saint-Jean, Junior Junot. Salut Junior! Salut Danny. Junior, normalement c'est très tranquille durant le week-end de la construction, les vacances de construction. Cependant, là, il y a pas de tournoi, on laisse la place à tous les visiteurs. J'imagine que c'est la même affaire. Oui, on avait en fin de semaine passée, c'était la première fin de semaine de la construction, mais on avait notre week-end golf là, qu'on appelle un peu. Remodifié avec la COVID, là, qu'on a éliminé un certain nombre d'activités, qui a fait en sorte que c'était, au lieu d'être 4 jours, bon, on a diminué à 2 jours, mais bon, ça s'est déroulé en fin de semaine, ça a super bien été, une très belle réussite. Le samedi, là, on avait le traditionnel Saint-Prime Open, où il y a eu 144 joueurs qui se sont affrontés dans la compétition, fait que, avec une belle journée. Fait que ça a bien débuté nos vacances de construction. Puis tu disais tantôt, bon, c'est plus tranquille. C'est tranquille en termes d'activité ou de tournoi, là, mais c'est pas tranquille en termes de joueurs. Là, les 2 semaines de la construction, c'est les deux plus grosses semaines là, pour notre club là, en termes d'achalandage. Là, fait que pour nous autres, là, c'est des grosses journées, mais je pense que jusqu'à date, là, la réponse est excellente. Là. Les golfeurs sont au rendez-vous, comme depuis le début de l'année d'ailleurs. OK. Donc, là, je veux dire, j'imagine que là, c'est sûr, vous avez des pertes, les mariages, et ainsi de suite, mais là, est-ce que les golfeurs, le beau temps, et ainsi de suite, ça va limiter un petit peu les pertes? Ben, oui et non, dans le sens que s'il faut toujours se comparer, je regarde toujours ce qu'on a fait l'année précédente. Et quand tu regardes l'an dernier, l'achalandage avait été exceptionnel en grande partie tout au long de l'année, mais particulièrement dans les semaines de la construction. Fait que ça fait en sorte que les pertes là, de mariage, les pertes qu'on a engendrées en termes de tournois là, qui se font pas cette année, ces pertes-là, on les remplacera pas, là. Ça, c'est sûr et certain. Là. T'as beau avoir un peu plus d'achalandage, mais c'est trop majeur pour pouvoir les remplacer. Mais il faut travailler d'une façon différente. Puis je suis persuadé qu'on va quand même bien s'en sortir, mais il reste que l'important, là, tu sais, quand même qu'on on parlera de du fait que là, on n'a pas ci, puis on n'a pas ça. Ouais. Ça change rien. Il faut regarder pour avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, puis comment faire pour en attirer plus de golfeurs encore cette année. Ouais. Jusqu'à date, là, nos résultats sont excellents. Bon, ça fait le tour des promotions. Y a-t-il des promotions? C'est sûr que quand ça va bien, il n'y a pas de promotion. Donc, Les promotions qu'on fait là, sont toujours faites là, plus, je te dirais, avant la saison, en début de saison. Allez, aujourd'hui, quand on est rendu à aujourd'hui, là, les promotions, les gens qui avaient des promotions à acheter, ils ont acheté, puis fait que ça va aller plus par la suite là, vers la fin de la saison. OK. Junior, ça fait le tour? Oui, ça fait le tour, mon ami. On rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet.